lesquels rostent le plus. Dans le club semi-brousse, ça serait de savoir qui est-ce qui se crosse le plus. J'annonce le track, donc t'es coupable si ton dos se craque. Au lieu de ta dose de crack pour laquelle tu trembles, cherche donc à comprendre pourquoi quand m'écoutant, c'est ta dose qui tremble. Samuel Moussif, moi ça n'est comme trembler. L'hostie de rap devant le gars, faut trembler. J'viens dans vos faces, vu que mes couilles sont remplies. Quand on step, les gars se rendent pis. Longue zone, on forme notre empire. C'est le paradis terrestre, on parasite terrestre. C'est là, j'parie 10 ou 13. Bouche bée, les ladies, bouge la bosse, ça m'intéresse. Longue zone, pour ceux que ça l'intéresse. C'est le paradis terrestre, parasite terrestre. C'est là, j'parie 10 ou 13. Bouche bée, les ladies, bouge la bosse, ça m'intéresse. Longue zone, pour ceux que ça l'intéresse. What? Wow.